Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Bienvenue dans la troisième saison de Freaks et Merveilles. On est toujours au show sur Radio Panique un samedi sur deux pour explorer les artistes queer belges qui font vibrer nos scènes et nos cœurs. Et aujourd'hui, pour lancer cette troisième saison, j'ai le grand plaisir de recevoir une personne qui a fait du plaisir sans tabou son art de vivre. Dans les alcôves ou dans la foule, à l'aide de cordes, de platine ou d'une pôle, elle fait vibrer, elle connecte, elle célèbre les corps, la joie, le collectif et l'intime. Qu'elle s'agrafe nos confessions sur le corps ou qu'elle s'empaquette de cordes, elle est tout à la fois pute et sainte, chatte et Barbie. Qu'elle offre ou reçoive des marques et du sang, elle vit la vie intense et chaotique qu'elle s'est choisie, protéiforme et bizarre. Aujourd'hui, je reçois Jean de Marbre. Bonjour Jean. Bonjour, merci d'abord pour cette belle description. Ces mots sont très beaux et très justes et ça me touche beaucoup, donc merci. Bon bah c'est chouette, ça me fait toujours plaisir quand je touche juste avec mes petites intros. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. Et ouais. Toi ? Oui, ça va très bien. Est-ce que la rentrée est bien chargée et le changement de rythme est violent par rapport aux vacances ou ça va ? Alors, les vacances étaient déjà bien chargées et la rentrée est encore plus chargée et je suis enchantée de ça et un peu paniquée parce que je crois que je n'ai pas de week-end libre avant novembre. Voilà. Déjà maintenant. Ouais, déjà maintenant. Donc c'est très chouette parce que ça veut dire que bah, je travaille et que j'ai des choses à faire. Et en même temps, je suis là, ok, et quand est-ce que je me repose ? Puisque je ne me suis pas reposée pendant les vacances, évidemment. Évidemment. alors tu fais énormément de choses. Donc il va falloir un petit peu faire le tri. Toute ton activité de pôle, qui est un peu ce par quoi moi je t'ai connu sur scène, on va le mettre de côté parce qu'on l'a déjà traité oui. dans d'autres épisodes, pour s'intéresser principalement à tes pratiques BDSM. Parce que donc tu es Domina, tu as des pratiques BDSM dans pas mal d'endroits, y compris à travers la collective Spam. Donc si je me souviens bien, c'est Shibari, Puissance, Abandon et Masochisme. Oui, tout à fait. Mais aussi à plein d'autres endroits. Et d'ailleurs, de plus en plus, tu enseignes les pratiques BDSM, les pratiques de consentement, etc. Alors, on va d'abord faire un peu de présentation par gros bloc. Le BDSM, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais sur lequel il y a beaucoup de fantasmes qui se passent. Alors pour toi, en tout cas, dans ta pratique et ta connaissance, qu'est-ce que c'est le BDSM ? Comment toi, tu t'y reconnais ? Moi, je le vis comme quelque chose de normal, en fait, dans ma vie, dans ma sexualité et avec... C'est une manière de me connecter, en fait, à travers de l'intensité, je dirais. Et je donnais encore un atelier morsure il n'y a pas longtemps et avec mon partenaire, et on disait que les morsures, chez nous, c'était notre langage de l'amour, en fait. et donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre... Il y a plein de pratiques qui sont dans ma vie et qui sont juste, oui, une manière de me connecter aux gens que j'aime, qui ont les mêmes pratiques, globalement. Donc, c'est très éloigné de... J'ai déjà vu des émissions, par exemple, un peu Vie ma vie, ou ces émissions un peu scandaleuses, d'une certaine manière, où ils interrogent des gens, où le BDSM, c'est leur vie, ils ont un donjon chez eux, et ils vivent... Il y a des... esclavagisme consenti H24. J'ai des clients qui ont déjà vécu ça, par exemple. Je ne suis pas du tout dans cet endroit-là. Je n'ai pas de donjon chez moi. J'ai plein de matériel, évidemment. Et si j'avais un donjon, ça ne ressemblerait sûrement pas à un donjon. Les donjons, ça ressemble à des endroits plutôt sombres, avec des appareils de torture. On est dans des esthétiques très cuir. Oui. Latex. Du métal nu qui grince. Voilà. Ça, ouais. Moi, je... Ben non, en fait, si... Je reçois chez moi en tant que Domina. Enfin, je reçois dans mon chez-moi de Paris. Et mon salon, il est rose. Il y a un mur de fleurs. Il y a une vulve en néon. Il y a des lumières. Il y a des belles lumières. Il y a de la déco kitsch. Et ben, en fait, mon donjon, il ressemblerait quand même à ça. Il ressemblerait à quelque chose de très lumineux, de très beau, de très cosy. Et donc, ouais, je vis le BDSM tous les jours, mais sans avoir l'impression de le vivre. Il n'est pas tant ritualisé que ça, à part certaines pratiques. Et il fait juste partie d'un langage. Et il est complètement... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai réussi à le désacraliser d'une certaine manière, sans pour autant comment dire, il est désacralisé, mais il n'est pas non plus... Banalisé ? Banalisé, ouais, je dirais que c'est ça. C'est quand même un endroit spécial. Bah, j'ai pas envie de faire des pratiques BDSM avec tout le monde ou avec n'importe qui. Ça reste quelque chose que je partage avec seulement certaines personnes et pas toutes les pratiques avec tout le monde. Mais c'est quelque chose que j'ai rendu en tout cas très accessible, que j'ai envie de partager, que j'ai envie de, en fait, simplement de montrer aux gens que c'est pas parce qu'on aime certaines choses particulières qu'on est déviant ou qu'on doit avoir honte. En fait, je crois que j'ai surtout réussi à désacraliser la honte autour de ces pratiques, parce que là, je pense que la société voit encore les pratiques extrêmes du BDSM comme honteuses, comme déviantes, et moi je pense que je ressens plus du tout cette honte par rapport à ça, et voire même je partage le fait que c'est beau, ça peut entrer dans des formes d'amour, de connexion, que justement on est très loin des archétypes de 50 nuances de Grey. Il y a vraiment ce qui fait le plus de mal au BDSM possible, c'est bien ce film. Et donc voilà, moi j'essaie de prôner quelque chose de simple, de joyeux, de beau, mais par ailleurs qui va quand même être très fort cadré, parce que ça reste des pratiques à risque, et donc on a besoin de le cadrer. Mais ça peut être le fait de cadrer ne casse rien à la pratique en tant que telle. Oui, c'est ça. Voilà, ça fait partie de la pratique d'avoir une discussion, d'avoir un cadre. C'est un peu comme les personnes qui disent que à force de parler de consentement, on se retient. Ben en fait, non, en parlant de consentement, justement, on se permet d'explorer plus loin parce qu'on sait ce qui est OK, pas OK. Et donc, on peut un peu baisser les barrières sociales naturelles qu'on aurait de ce qu'on peut ou ne peut pas par rapport à d'autres gens, parce que justement, on a établi un nouveau contrat, quoi. Oui, tout à fait. Ben merci, j'aurais juste envie de te laisser parler comme ça non-stop. On parlera plus loin dans le podcast, enfin plus loin dans l'émission de ton rapport à l'enseignement, parce que donc, comme je l'ai dit en intro et comme tu le disais là, tu transmets aussi ces pratiques. Mais déjà pour toi-même, parce que, alors je ne sais pas quelle est évidemment ton histoire personnelle, mais on vit dans une société où ben justement toutes ces pratiques-là, tu le dis bien d'ailleurs, on met beaucoup de honte autour ou de tabou, c'est très stigmatisé de plein de manières différentes. Comment est-ce que toi, tu as fait ton chemin vers ces pratiques-là et vers cette manière-là d'aborder la sexualité, d'aborder l'intimité, etc. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et d'être curieuse en même temps. Ben, je pense que mon chemin, il a commencé... Enfin, il a dû commencer longtemps avant, mais il a dû être très réfréné. Et donc, j'ai dû ouvrir la porte ou laisser le chemin vivre sa vie quand j'ai débarqué à la BAP, à la Bruxelles Art Pôle, en 2018. Encore elle. Évidemment. Et que j'ai rencontré Angèle. Angèle et moi, c'est une grande histoire d'amitié, d'amour, de plein de choses. Et donc, j'ai découvert Angèle, qui était cette personne très libre, très alignée avec ce qu'elle aimait, notamment le shibari, par exemple. Et donc, le fait que elle, en face, qu'elle soit... Enfin, que ça n'avait pas l'air d'être une honte pour elle et que ça avait l'air d'être normal. Et que je découvre donc un monde où, en fait, plein de gens font du shibari et que c'est normal. Ou d'autres pratiques. Hein. Je parle du shibari, mais il n'y a pas eu que ça. Bah, ça m'a juste rassurée sur le fait que, OK, on peut être des personnes sensées et normales, entre guillemets, et faire des choses folles dans des cordes ou dans d'autres pratiques reliées au BDSM et au kink. Et donc toi, t'as commencé par le shibari et les cordes ? Ouais, parce qu'il y avait des jams de shibari à l'époque au studio, et en même temps, j'ai rencontré aussi des burners, donc les gens qui vont aux événements Burning Man. Il n'y a pas que le Burning Man, en fait, il y a plein d'événements burn partout. Et de ces gens-là que j'ai rencontrés, j'ai été à ma première soirée fétiche qui avait lieu sur une péniche à l'époque. Et donc, j'ai rencontré un peu la communauté comme ça. Et puis donc j'ai rencontré des gens qui parlaient de leur fantasme, de leur kink, de comment ils pratiquaient le BDSM d'une manière simple et pleine de joie. Et j'étais là, ah bah oui, bah c'est sûr, si ça rend heureux, bah allons-y. Et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré aussi une personne, enfin je l'avais rencontrée depuis longtemps, mais on a commencé à relationner l'été du Covid. Et cette personne faisait du wax play, entre autres. Et donc j'étais là, ah bah je suis trop curieuse, vas-y, essaye. Et donc moi, j'ai vraiment commencé à faire des choses par curiosité. En me disant, pourquoi pas, je vais essayer. Qu'est-ce que c'est, enfin, avec la sécurité qu'on met autour, mais il ne devrait rien se passer de mal. Au pire, j'aime pas, et au mieux, j'aime bien. Et puis, j'ai, par exemple, avec les aiguilles, parce que je fais aussi du needle play, bah, je me suis rendu compte que, en fait, j'aimais beaucoup les piercings pour l'esthétique, mais aussi pour la sensation de me faire percer. Je me suis rendu compte de ça sur le tard, mais donc je me faisais percer depuis... Moi, j'ai commencé les piercings à l'âge de 12 ans, tu vois. Ah oui. Et je crois que j'ai découvert que j'aimais me faire percer vers l'âge de 26, 27. Et puis, j'ai commencé à me percer moi-même, à faire du needle play vers l'âge de 30. Ouais. Voilà. Et... Okay. Oui, parce que alors très rapidement, pour essayer de rattraper le petit lexique, oui. Donc needle play, donc ça tu l'as dit, c'est le fait effectivement de jouer avec des aiguilles et de se percer le corps avec des aiguilles, alors évidemment de manière très sécurisée, etc., etc., on ne fait pas ça n'importe comment. Le wax play, du coup, c'est avec de la cire de bougie. C'est ça, de la cire de bougie chaude. Pas de la cire d'épilation, parce qu'il y a des gens qui ont déjà confondu. Et puis donc le shibari dont on a parlé. Si j'ai bien suivi, c'est une pratique qui vient du Japon, oui. Et qui consiste à s'encorder de certaines manières pour se sentir comme ça soutenu et contenu. C'est un peu ça l'idée ou... Oui, alors donc le shibari, c'est une pratique en effet qui vient du Japon, qui a une histoire à part entière sur laquelle je vais pas m'attarder, mais j'invite les gens qui sont intéressés à aller se renseigner là-dessus. Donc on a une personne qui attache, qu'on appelle rigueur, rigueuse, et une personne qui est attachée et qu'on va appeler parfois rope bunny ou simplement la personne encordée. Et ce qui se passe quand on est dans les cordes, quand on se fait encorder, il y a en effet le fait d'être contenu et donc de pouvoir se relâcher alors qu'on est contenu, et en même temps ça peut être... il peut y avoir de la difficulté quand même, hein. Le fait d'être attaché, évidemment, ça restreint nos mouvements. Il va y avoir tout un tas d'endorphines qui vont être sécrétées par le corps, en fait, suite au fait d'être encordé. Et pour la personne qui encorde, ça va être plutôt de l'adrénaline et de la dopamine. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, on utilise nos propres molécules du corps pour avoir un shoot d'hormones qui nous fait du bien. Et c'est souvent le cas en fait dans les pratiques BDSM, c'est que on le fait parce que ça nous fait rentrer dans un état de conscience modifié, ça nous donne des hormones qui nous font du bien, ça peut nous mettre aussi dans des jeux de rôle qui peuvent nous permettre de parfois se réapproprier certaines choses. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans pourquoi on fait une pratique et qu'est-ce qu'elle nous apporte et comment elle nous fait du bien. Mmh. Voilà, donc le shibari, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans, et on pourrait faire juste une émission juste sur le shibari. Oui. Et si tu veux le faire, je te conseille de demander à Juliette, ma prof, qui fait aussi partie de Spam. Okay. Elle en parle encore mieux que moi. Parfait. Et ben je retiens, voilà. le contact. Peut-être que ce sera pour une autre fois, mais pour revenir du coup à toi et à ton parcours, ce que j'entends aussi, c'est donc petit à petit une exploration pour trouver ce qui te fait du bien, ce qui te convient. J'imagine que tu as dû aussi essayer des choses où tu t'es dit bah ça c'est pas pour moi. Est-ce que toutes ces communautés là c'est très mélangé entre les différentes pratiques, ou bien il faut vraiment, parce que tu disais aussi j'ai trouvé les bonnes personnes, donc il faut vraiment aussi s'intégrer dans ces réseaux-là, dans ces milieux-là, etc. Alors, ça, je pense que c'est une vraie difficulté, c'est trouver les réseaux de 1, et puis trouver les bonnes personnes dans les bons réseaux, parce qu'il y a différents réseaux. Et par exemple, le shibari, c'est une pratique à part, et donc il y a un réseau à part pour le shibari. Et dans le grand réseau shibari, il y a encore des sous-réseaux de shibari cuir, etc. Parce qu'évidemment, le gros souci dans les communautés BDSM, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes problématiques et que quand on est face à une personne problématique dans une pratique extrême telle que le shibari, eh ben, les dégâts sont très forts. Donc il y a eu beaucoup de call-out dans les communautés shibari parce que des mecs, évidemment, violaient des meufs dans les cordes. Oui, on en est là. Voilà, oui. Donc, c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle des systèmes de vetting qui sont mis en place. Donc, vetting, c'est le fait d'aller se renseigner sur les personnes avec qui on veut pratiquer, pour justement un peu savoir si c'est la bonne personne avec qui on va pratiquer. Et donc, les communautés kink, BDSM, à Paris et à Bruxelles, parce que moi, je suis sur ces deux villes, elles sont un peu différentes. Je suis un peu plus dans la communauté parisienne, parce que comme Paris, c'est plus grand, il y a une vraie communauté sexpo et BDSM qui s'est formée. Parce qu'il faut savoir que toutes les communautés BDSM ne sont pas pour autant sex-positives. Ah oui. Oui, non. Intéressant. Ah non. Donc oui, sex-positive. Sex-positive, c'est une manière de définir le consentement. Et c'est surtout... alors, il est défini de plein de manières différentes, mais c'est surtout... il est défini a priori, donc on demande avant, versus le consentement des libertins, où en fait, on va commencer une interaction et si la personne n'est pas d'accord, elle va dire non. D'accord. On est, c'est deux manières de voir le consentement qui peuvent... Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ça dépend vraiment de nous. Moi, le consentement libertin ne me convient pas parce que comme je peux rentrer dans du freeze, si on commence à faire une interaction, je ne suis pas en état de dire non, d'où je préfère qu'on me demande avant. Mais il y a des gens, ce n'est pas du tout un problème pour eux. Et donc, le sexpo, c'est un mouvement féministe qui met le consentement au centre de la sexualité, le consentement a priori, qui vise aussi à enlever la honte de toutes les pratiques BDSM qu'on peut avoir, qui dit aussi que la pénétration n'est pas la seule sexualité possible. Enfin, voilà. Mm-hmm. Et donc, à Paris, il y a une vraie communauté qui est BDSM et sexpo en même temps, donc où il y a beaucoup plus de gens cuir, évidemment, des gens aussi un peu plus jeunes qui vont... un peu s'opposer au BDSM de boomer, au BDSM mainstream, au BDSM dont on a tous l'imagerie en tête, en fait. Mm-hmm. Tout le monde pense à latex, cuir, fouet rouge, et en fait, nous, on fait du BDSM en kigurumi, et c'est très chouette aussi. Hein, Oui, bien sûr, c'est cool que tout ça existe, mais... Tu n'es pas obligé d'avoir les bons vêtements pour faire du BDSM, il faut juste avoir l'envie et les bonnes personnes. Mm-hmm. Et donc, ouais, je pense que vraiment, c'est une vraie difficulté de trouver les bonnes personnes pour le faire. Et moi, j'ai des clients aussi qui viennent me voir pour faire des pratiques et qui sont désespérés parce qu'ils ne connaissent pas ces communautés. Et donc, eux, ils sont très seuls parce qu'ils ont vraiment l'impression de porter une honte avec eux parce qu'ils ne peuvent pas en parler à leurs amis, etc. Et donc, j'ai eu cette chance de trouver les communautés au bon moment, aux bons endroits, et voilà. Donc, et d'avoir la curiosité aussi d'aller toquer aux portes et de... Oui, mais parfois, tu ne sais même pas que ça existe. Oui. Donc, comment tu fais, tu vois? Oui, et bien tu vas à la BAP. Tu vas à la BAP, voilà, tout à fait. C'est un très bon endroit pour commencer, je pense, si des personnes veulent s'y mettre. Super. Un dernier point pour clôturer cette première partie, le milieu kink et les soirées kink. Parce que donc, dans ma compréhension, kink, ça veut dire un attrait sexuel particulier ou En fait, kink peut être... Enfin, il y a beaucoup de gens qui utilisent BDSM et kink dans le même... D'accord. En tant que synonyme. Kink, si tu regardes rapidement les définitions sur internet, c'est ce qui est déviant. Alors bon, évidemment tout est relatif, hein, mais globalement c'est avoir des excitations plus ou moins sexuelles pour d'autres choses que de la génitalité classique, je vais dire. Oui, d'accord, déviant, mais au terme très positif de qui dévie de la norme et qui... Oui, pour moi c'est très positif. Super. Eh bien, écoute, je te propose de faire une première petite pause musicale avant de rentrer dans en quoi tout ça a à voir avec les arts vivants queer, puisqu'a priori ce podcast est surtout là pour ça. Oui. En premier morceau, tu nous amènes Threat de Juk. C'est Yutz. Yutz, pardon. Oui. C'est une amie que j'ai rencontrée en Burn, avec qui on fait du BDSM et avec qui on fait de la performance. Elle est incroyable, je l'aime de tout mon cœur. Bah, c'est ma meuf, on est censé se marier un jour en fait, en vrai. Et donc, j'avais envie de partager son travail ici. Trop bien. Eh ben, on s'écoute ça et puis on revient juste après ça. Vous êtes sur Radio Panique et c'est Freaks et Merveilles. C'était Threat de Yutz. Assez chouette, assez beau. Et donc, ça nous emmène dans la deuxième partie de cet épisode où on va s'intéresser un petit peu à qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce que toutes tes pratiques BDSM ont à voir avec les arts vivants queer, parce que c'est un podcast qui s'intéresse surtout aux arts vivants queer. Et je me dis, pour commencer ce point, tu fais partie de deux collectifs qui justement font des prestations en public, Spam et La Feste. Alors Spam, donc on a donné ce que ça voulait dire en intro, mais concrètement Spam, qu'est-ce que c'est ? Concrètement déjà on peut citer les membres qui font partie, parce qu'évidemment il y a Angèle, Domi aussi, Chloé, donc il c'est un peu issu de la BAP aussi, et il y a enfin Juliette et Raphaël qui sont nos profs de Shibari aussi, que Angèle a justement recruté via la Fest. D'accord. Parce qu'Angèle m'a accompagnée à la Fest plusieurs fois. Et elle a rencontré Julie, qui connaissait Juliette et Raphaël, et qui a dit à Angèle, Juliette et Raphaël, c'est les profs que tu cherches. Et donc voilà, c'est grâce à la Fest qu'on a récupéré Juliette et Raphaël dans la BAP et dans Spam. Et donc Spam, c'est né d'une envie, en fait, de justement montrer comment nous, on aimait pratiquer notre BDSM avec du soin, avec de la delphité, avec de la connexion, avec autre chose que cette idée préconçue qu'on est dom ou on est sub, et que les mecs sont dom et que les meufs sont sub, évidemment. Donc dire, dom, c'est dominant et sub, oui, c'est soumis. C'est ça. Je fais toujours les petits sous-titres. Oui, hein, merci, t'as raison. Et donc Spam, on est dans quelque chose où on a justement... On n'a pas ces figures très fortes, dominants et soumis. On est plutôt dans de l'échange de pouvoir, même dans l'abolition du pouvoir d'une certaine manière. C'est ça que abandon veut dire, en fait. Donc vous êtes un peu les anards du BDSM, quoi. Oui, d'une certaine manière. On peut le voir comme ça, mais avec. On n'est pas dans quelque chose de très. Quand on est sur scène, on n'est pas dans, je sais pas, quelque chose de très révolutionnaire ou militant. Mmh. C'est juste, en fait, on vous montre comment nous on est, mais c'est politique par essence. Ouais. Mais donc justement, pardon, je te coupe, oui. Mais pourquoi et comment on amène quelque chose que tu décrivais comme aussi intime et particulier que les pratiques BDSM, le shibari, le masochisme, etc., sur scène. Moi, en fait, je crois que la scène fait partie de ma démarche exploratoire. J'aime le fait de me dire, si je le pense, pour aller sur la scène, en fait, il y a toujours cet aspect esthétique, cet aspect beau, cet aspect aussi... quand je vais sur scène, en fait, j'ai plein d'endorphines, donc je peux aller bien plus loin. Et j'ai fait d'abord beaucoup de pratiques sur scène avant même de les enseigner, en fait. Je sais pas, il y avait je l'ai pas tant intellectualisé ou réfléchi que ça. J'étais là, je trouve ça beau, de la cire qui coule sur un corps. J'ai envie de le montrer, en fait. Et j'ai envie de le montrer et d'y mettre des formes. Parce que, je sais pas, je crois que la scène, c'est une de mes manières de me connecter à moi, de me connecter aux autres, d'exprimer qui je suis. Et donc, ça a toujours été normal pour moi d'aller faire des choses sur scène et donc de montrer ça aussi, de montrer cette intimité, parce que quand je la vis, je la trouve belle, en fait. Et justement, j'ai envie de dire, pourquoi je devrais avoir honte de ça ? Regardez comme c'est beau. Et donc, allons-y, mettons-le sur scène. C'est pas de l'exhibitionnisme en tant que tel, hein. Peu, j'aime bien être vue et sinon je ne ferai pas de la scène. Mais il y a vraiment une envie de dire, mais regardez comme c'est beau, j'ai envie de vous montrer, en fait, à quel point c'est beau de se connecter aux gens. Et du coup, justement, comment est-ce que vous pensez le public? Parce qu'en général, quand on fait une performance de théâtre vivant, on se dit, voilà, le public va être là. Et donc, il faut qu'on l'inclue d'une certaine manière, ne fût-ce qu'en orientant les corps pour que le public les voit bien, etc. Dans, par exemple, une performance de Shibari, qui justement devient une performance pour le public, qu'est-ce qui change par rapport à du Shibari que vous feriez juste entre vous? Ça dépend. On peut se dire, soit on fait quelque chose, c'est une session privée et les gens ont accès à ce qui se passe dans le privé. Ça peut être ça, une performance de Shibari. Par ailleurs, ça peut être aussi quelque chose qui est beaucoup plus scénarisé, où on va penser avec des tableaux, on va se dire, sur telle musique, on va faire telle pause avec nos corps, on va faire telle transition. Et donc... Donc il y a quand même un certain esthétisme qui arrive, il y a une... Complètement. Je dirais que la performance la plus esthétique et la plus scénarisée qu'on ait faite avec Spam, c'est Mélancolie automnale, qu'on a proposée à la Museum Night Fever l'année passée. Et donc on était 5 sur plateau et on a vraiment réfléchi chaque étape, en fait. Tout était... d'une certaine manière chorégraphiée. Il y avait plein de moments où, en fait, on était en impro dans la chorégraphie. Mais on savait Il y avait tout un fil conducteur. On savait les choses qu'on avait à faire à tel moment. Il y avait des points cue tout le long de la performance, en fonction des musiques, etc. Même s'il y avait plein de moments où c'était justement improvisé, où on savait qu'on devait aller d'un point A à un point B, mais le chemin pour y aller était libre. Et donc, on peut... Même si c'est une pratique BDSM, tout à fait chorégraphier cette pratique. Et est-ce que du coup, il y a quand même un ressenti qui peut s'approcher d'un ressenti d'une séance où on se dit que ça, on met vraiment sur le côté et là, on est dans de la représentation et dans montrer à quoi ça ressemble et montrer ce qu'on peut faire avec. Non, on a quand même... moi, j'ai eu des perches énormes après certaines performances sur scène, justement, parce que la scène ramène aussi tout son lot d'endorphines, d'adrénaline, d'hormones excitantes et grisantes. Mmh. Et donc, évidemment, ça dépend quel rôle on a, si on est dans les cordes ou pas dans les cordes. Et évidemment, on a toujours un petit chemin dans le cerveau qui dit « n'oublie pas, la suite, c'est ça ». Il y a moins de lâcher-prise. Il y a moins de lâcher-prise, mais quand tu sors, là, tu as une énorme gifle. Tout ce que tu as retenu pendant, voilà, c'est ça. Dessus, ouais. Et même, en fait, le lâcher-prise complet à 100%, moi, je le trouve très, très rarement, hein, en vrai. Okay. Mais parce que mon cerveau, il est câblé pour pas trop lâcher prise. Voilà. Mais oui, en fonction de notre position dans... Est-ce qu'on reçoit, est-ce qu'on donne, à quoi on doit faire attention, ben on peut quand même lâcher prise sur scène et ça va être encore plus fou de lâcher prise sur scène, entouré par les personnes qu'on aime et avec ce public, le système son, la musique, les lumières. Ça peut être très intense. Trop bien. Alors, on a aussi parlé déjà de la Feste, dont tu fais partie aussi. Et donc, la Feste, c'est une collective d'organisation d'espaces festifs et de soirées, de week-ends. Oui, donc la Feste est basée à Paris. Et globalement, l'idée est d'organiser des soirées hautes en couleurs avec quasi systématiquement un espace dédié à de la sexualité qu'on appelle Love Room, où la culture du consentement dans cet espace sera sexpo et pas libertine, ce dont je parlais plus tôt. C'est bien, maintenant on a les clés. Voilà. Et alors, pas toujours quand il y a des soirées, mais quand c'est des événements plus longs, il y a aussi tout un aspect d'organisation d'ateliers autour de plein de pratiques. Donc ça peut être un atelier où il va y avoir une initiation au DJing, comme des ateliers... initiation morsure, ou des ateliers décoloration des poils pubiens, ou des cercles de discussion autour de ce que ça implique d'être une personne racisée en milieu festif, etc. etc. La Feste, pour moi, c'est un vrai terrain d'expérimentation. J'y ai amené tout Spam, justement. C'est un endroit où je peux aller proposer des choses un peu folles sur scène et que ce sera toujours bienvenu. Et donc c'est un peu... On n'est pas tout à fait... au même endroit que Spam, mais je dirais que Spam et la Feste, c'est deux gros piliers dans ma vie actuellement. D'accord. Et dans la Feste, t'es aussi organisatrice Moi, j'ai été artiste, puis j'ai été un peu plus au niveau de la prod et de la direction artistique cabaret. Puis j'ai décidé d'arrêter ce rôle parce que c'était trop intense et je suis revenue à un rôle plus je suis artiste, je viens, je vous propose plein de trucs, je donne des ateliers si vous voulez, je fais de la perf, je DJ, qui me correspond beaucoup mieux. Mais par ailleurs, c'est des très très bons amis aussi. Enfin, Spam et la Feste, c'est les gens qui en font partie de mes cercles les plus proches en termes d'amitié, amour, famille. Alors, donc effectivement, comme tu l'as dit, tu étais aussi DJ. Alors, ça mériterait aussi un épisode à part entière et j'aimerais beaucoup en faire un. Mais est-ce que, du coup, tu lis aussi cette activité de DJ cette constellation BDSM de ta vie? Oui, parce que par ailleurs, récemment, j'ai DJ pour pour habiller une pratique. J'ai DJ pour une slime party, j'ai DJ pour un atelier morsure, enfin, c'est pas moi qui ai DJ, mais c'était ma playlist et c'était mon partenaire. Mais l'idée, c'est que j'ai vraiment très envie de construire justement des jams autour de certaines pratiques BDSM avec une ambiance light et musique qui serait choisie, en fait. Parce que je pense que, pour moi, je peux pas, en fait... Le BDSM et la musique sont liés parce que la musique va justement m'aider à lâcher prise, m'aider à enfin, me donner certains types d'énergie pour certaines pratiques. Et donc j'ai envie de faire vivre ça aux gens, de justement que la musique et l'ambiance sonore portent la pratique. Et puis par ailleurs, l'idée c'est de pas que faire du DJing mais aussi du live musical, et j'ai déjà commencé à travailler avec mon partenaire sur un hybride entre live musical, DJ set et performance, et l'idée c'est d'amener des performances entre autres BDSM sur ce projet qui s'appelle Dance or Die. Voilà. Trop bien. Mais donc de nouveau c'est faire du DJing aussi dans des cadres très intime et très petit, quoi. Oui. Et pas seulement pour des salles de 400 personnes ou 1000 personnes. Oh, j'ai pas encore DJ pour des soirées à 1000 personnes, mais ça va arriver parce que je vais DJ pour La Monarque, qui est une soirée justement BDSM à Paris. BDSM, mais gay / queer. Okay. On n'est pas... Voilà, en fonction des collectifs, le public n'est pas du tout le même, et donc la manière de faire n'est pas la même. Alors, tu as énormément de pratiques. Tu me disais en introduction de ce podcast que cet été, tu t'étais pas vraiment reposé et que là, la rentrée, ça partait au quart de tour. Comment est-ce que tu gères tout ce temps ? Parce que, alors, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais tu fais aussi de la pôle. Et la pôle, ça nécessite quand même une pratique régulière. J'imagine que les autres pratiques que tu fais, le shibari, le waxplay, le needleplay, etc., il y a quand même besoin d'entraînement ou ça, moins ? Ça dépend, en fait. La pole, j'en fais plus tant que ça, parce que j'en ai fait pendant tellement longtemps que j'ai plus besoin d'en faire régulièrement pour pouvoir donner mes cours, aller sur scène. Par ailleurs, j'ai une barre de pole chez moi. Enfin, voilà. Le shibari, j'ai un bambou chez moi. Et il y a des périodes où, en fait, je vais en faire beaucoup, et puis des périodes où je vais en faire beaucoup moins, je vais faire autre chose. C'est compliqué parce que j'ai pas vraiment une routine particulière. Il y a des moments où j'ai fait aussi... parfois, quand j'ai le temps, je m'entraîne 15 heures semaine. Et puis parfois, quand j'ai pas le temps, je m'entraîne 0 heure semaine. Et ça va dépendre. Évidemment, c'est parfois un peu compliqué pour la progression. Et ça me frustre. Mais en même temps, ça me permet de faire plein de choses. Donc voilà, c'est très aléatoire ma manière de gérer comment je m'entraîne et sur quoi je m'entraîne. Voilà. Et alors pour clôturer cette partie, donc tu travailles énormément sur des pratiques qui sont très intimes, qui ont beaucoup à voir avec l'intimité, le fait de se livrer, etc. Comment aussi est-ce que tu gères ce rapport entre ce qui est intime et privé et ce qui est spectacularisé après ? Est-ce qu'il y a des moments quand tu es dans une séance de shibari ou autre où tu te dis « Ah, ça ferait une bonne performance » Est-ce que tu t'interdis justement de cette porosité entre des moments vécus dans l'intime et les performances ? Est-ce que... Non, je crois pas. Je crois que je suis... En fait, par exemple, je vais prendre une pratique que j'ai découvert il y a peu et que j'aime beaucoup et que j'estime que je veux montrer sur scène parce que... Enfin, pas sur scène, mais je veux en parler et la rendre plus publique parce que justement, elle est très schémée, c'est le fist vaginal. Et en fait, quand ça s'est produit la première fois, j'ai été subjuguée par la beauté de la connexion que ça nécessitait, en fait. Parce que souvent, le fist a une très mauvaise image. Parce qu'elle est très fort implantée dans la culture gay et les gens voient ça comme quelque chose de très violent. Moi, j'ai découvert ça avec de la douceur, de la connexion. J'ai trouvé ça beau. Enfin, j'en ai pleuré la première fois. Et je me suis dit, mais moi, je veux montrer ça. Je veux montrer ça sur... Je ne sais pas si j'ai envie de le montrer sur scène parce qu'on est dans quelque chose encore autrement difficile que du shibari. Et encore, je pense que ça dépend des limites. Mais ouais, les choses que je trouve belles, qui me donnent de l'émotion, en fait. Je me dis pourquoi il faudrait... Enfin, c'est beau de les montrer, justement, pour casser les images violentes qui existent autour de ça. Et c'est pareil pour les crochets. Donc, je me suis fait suspendre par des crochets. C'est une pratique très extrême. Mais pour moi, il y a une vraie... Il y a une vraie beauté, enfin, et évidemment, ça dépend toujours qui le fait, mais je vois cette pratique comme douce, en fait. Mais évidemment, elle est toujours proposée dans des choses très, j'ai souvent vu des crochets genre avec des gens qui chantent du métal, il y a des flammes, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est souvent cet imaginaire-là qu'on associe, alors que ça peut être très intime, ça peut être cocon, ça peut être doux, ça peut être tout un tas d'autres choses. Et donc, je pense que moi, là où j'ai envie d'aller, c'est de me dire, OK, cette pratique, elle a un imaginaire qui est comme ça autour d'elle, dans lequel je ne me reconnais pas. Moi, je connais autre chose de cette pratique et j'ai envie de le montrer pour justement élargir les champs de vision. Et donc, je me restreins jamais trop sur, quand je fais une pratique, de me dire, ah non, je ne peux pas la mettre sur scène ou c'est pas maintenant que j'avais pensé. C'est si j'ai été émue, j'ai envie de le montrer. Super, merci. Eh bien, voilà qui clôture la deuxième partie de ce podcast. Avant d'attaquer la troisième partie, tu nous viens avec une track de Headless Horseman, ouais. Absence. Oui, je l'ai découvert à Berlin il y a quasi 10 ans. Quand j'allais à Berlin pour bosser sur ma thèse, la première fois que j'allais dans un club techno qui s'appelle Grismule, qui n'existe plus maintenant. Et j'adore ce qu'il fait. Je l'ai mis dans des mix musique de performance. Il est dans Dance or Die et je vais potentiellement prendre des cours de composition musicale avec lui. Et donc voilà, j'avais vraiment très envie de vous le faire écouter. Trop bien. Eh bien, on s'écoute Absence de Headless Horseman. Vous êtes sur Radio Panique et c'est toujours Freaks et Merveilles. On se retrouve juste après ça. Ah là là, j'ai l'impression qu'on a eu toute la lente montée et qu'on n'a pas l'explosion finale. Il n'y a pas tant d'explosion finale, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un petit climax encore après. Mais ce n'est pas grave, les gens iront l'écouter en entier. Mais complètement, allez l'écouter sur Bandcamp notamment, il est disponible. Donc c'était Absence de Headless Horseman. Vous êtes toujours sur Radio Panique, c'est toujours Freaks et Merveilles. Et avec mon invité Jean de Marbre, nous allons maintenant parler pédagogie, parce que tu donnes pas mal de cours de plein de pratiques, donc notamment à la Brussels Art & Paul, mais pas que, et notamment un atelier initiation au BDSM, mais aussi le BDSM expliqué à ta mère. Oui, donc l'initiation au BDSM, c'est justement pour toutes ces personnes qui se posent des questions de « je connais pas très bien le vocabulaire, je sais pas par où commencer », Qui sont les communautés, où je peux trouver de la documentation, comment je fais si j'ai envie d'essayer d'une pratique et que je veux en parler mais que je ne sais pas comment la cadrer. Et donc cette initiation, elle est vraiment là pour les gens qui se posent des questions ou même les gens qui connaissent bien et qui ont juste envie de venir voir s'ils ne peuvent pas avoir des informations en plus. Tous mes ateliers sont toujours ouverts à tout le monde, peu importe le niveau. Et le BDSM expliqué à ta mère, c'est un peu une initiation au BDSM, mais pour si vous avez une mère inquiète parce que vous vous lancez dans le BDSM, qui a peur pour vous, ou des amis, ou des gens de votre entourage qui seraient curieux, qui ont envie de comprendre, mais peut-être que vous n'avez pas envie de leur parler de ça, vous, directement, parce que ça concerne quand même votre intimité, vous me les envoyez à le BDSM expliqué à ta mère, parce que moi, je serai là pour... Oui, donc l'idée, c'est que ce soit la maman qui vienne, enfin la maman plutôt. Ou les proches qui viennent. Oui, plutôt. D'accord. Après, on peut venir en famille, il n'y a pas de problème. mais oui, c'est plutôt, pour moi, je vois... c'est la première fois que je vais le faire, donc je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'avais vraiment envie de mettre un espace pour l'entourage qui se poserait des questions et qui n'a pas spécialement envie d'essayer, mais qui a besoin de comprendre, de savoir, d'être rassuré en fait, sur le fait que tout va bien. Et donc, c'est pour ça que le BDSM expliqué à ta mère vient en toute fin de cursus. Pour, comme ça, je peux parler aux gens qui viennent dans mes ateliers que s'ils ont de la famille inquiète ou de l'entourage inquiet, ou ils ont pas, on n'a pas toujours le temps, la pédagogie, la foi d'expliquer ce qu'on fait à notre entourage. Et donc, moi, je prends en charge ça. Ou même si nous-mêmes, on se sent curieux des pratiques, mais qu'on n'a pas envie de s'y frotter nous-mêmes, ça peut être intéressant de tout venir à fait. Pour, voilà, c'est aussi, même si des gens sont curieux, mais... parce que si les gens sont curieux, ça va ressembler fort à l'initiation au BDSM. Donc, ça peut être aussi pour les gens qui ont loupé l'initiation au BDSM en début de trimestre, qui viendraient en fin de trimestre. Voilà. Trop bien. Tu nous as dit plus tôt dans ce podcast que malheureusement, les communautés BDSM étaient aussi fréquentées par des personnes assez problématiques. Est-ce que toi, tu filtres à l'entrée? Est-ce que tu as un... Moi, dans ma manière de pratiquer, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Comment est-ce que tu assures que... parce qu'on ne peut jamais écarter qu'il y ait une personne qui s'inscrive pour de très mauvaises raisons, quoi. Alors, mes ateliers sont ouverts à tout le monde. Je ne connais pas tous les gens qui viennent. Je ne cherche pas à savoir s'ils ont été problématiques avant, parce que j'ai pas que ça à faire. Par contre, évidemment que j'observe ce qui se passe pendant les ateliers, que il y a des personnes, en fait, bon, les personnes à la Bruxelles Art Pôle, en général, c'est pas les personnes les plus problématiques qui viennent, parce que mine de rien, il y a un filtre de par la Bruxelles Art Pôle. Mais il m'est arrivé, évidemment, d'observer des personnes qui prenaient beaucoup de place, des personnes qui étaient un peu en décalage. Et dans ce cas-là, en fait, je fais remonter les informations. Et s'il y a d'autres informations concernant cette personne du même type, alors on va peut-être prendre une décision. Ce qu'il y a, c'est que dans mes ateliers, en général, c'est quand même assez cadré, dans le sens où on vient pour une seule pratique, j'explique bien comment ça se passe. Il y a la possibilité de venir solo, donc si une personne problématique vient solo, elle ne va pas spécialement trouver des gens avec qui pratiquer, parce que souvent, les personnes problématiques, quand même, on le sent. Mais donc, je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Je suis attentive, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Tu mets un cadre pendant l'atelier. C'est ça. Et ben justement, pour parler un peu plus positivement de tes ateliers, tu dis qu'il y a moyen de venir solo. Oui. Donc, c'est tout à fait possible de dire, voilà, moi, je ne connais personne qui, par exemple, est intéressé par le needle play, mais je vois que Jean donne un atelier needle play. On peut trouver des personnes sur place qui, comme nous, sont venues solo. Et... Alors, voilà, pour moi, il y a vraiment... une importance à maintenir l'ouverture de ces ateliers aux personnes solo parce que c'est dur de venir à deux, on n'a pas toujours quelqu'un avec qui venir. Donc il y a, en fonction des pratiques, il y a des pratiques déjà qu'on peut tester sur soi-même avant de tester sur les autres, notamment le needle play, et je le fais d'abord tester sur soi-même avant de tester sur les autres justement. Et puis je trouve que l'apprentissage passif, le fait de regarder, c'est aussi un apprentissage. Ça permet aussi d'apprendre, il n'est pas moins bien que l'apprentissage actif. Et je ne peux jamais garantir que si tu viens solo, tu vas trouver quelqu'un avec qui pratiquer. Mmh. C'est jamais une garantie, je l'explique, mais c'est possible. Donc parfois, il y a des gens qui sont en duo, qui adoptent une personne solo. Parfois, il y a trois personnes solo qui se mettent ensemble. Parfois, les personnes solo se mettent avec personne et regardent simplement. Et donc voilà, faut pas se dire, je vais venir solo et je vais être sûre de trouver quelqu'un avec qui pratiquer. Il faut se dire, c'est possible, mais c'est possible que je reste solo. Est-ce que je suis OK avec ça ? Super. Super. Et oui, donc tu parles de pratique dans ces ateliers. J'imagine que tu commences toujours par une petite mise en condition, que tu sors pas tout de suite la cire chaude que tu jettes sur les gens. Il y a toujours un tour des prénoms, pronoms et de pourquoi on est là rapidement. Moi, j'explique toujours un peu mon rapport à la pratique. Je parle des risques, évidemment. Je parle du cadre qu'il faut poser autour de chaque pratique de manière globale et spécifique. Et de comment on discute du cadre, quel système de consentement on choisit, jusqu'où on a envie d'aller ou pas, comment on sent, quelles sont les intentions. Ça peut être très très long, hein, ce genre de discussion. Et puis je montre des exercices pratiques qui sont au début très accessibles. Moi j'ai un BDSM très joyful, hein, je suis très dans la joie et dans le jeu. Et donc je transmets ça et voilà, je propose un exercice, les gens ont un petit temps de pratique et puis je leur dis, ah ben revenez vers moi, on va parler de l'autre exercice et puis à la fin il y a un petit cercle de clôture. Ben super, super. Est-ce que... Il n'y a jamais d'obligation de pratiquer non plus. Hein. Oui. Voilà. ça c'est vraiment très important, on peut venir et ne pas pratiquer, tout ira bien aussi. Oui, oui, bah c'est bien de c'est bien de le dire. Est-ce que au contraire, parce que là on parle, on parle de gens qui viennent en solo, c'est aussi tout à fait ok de venir en couple et de en couple, en binôme, oui, en trio. Voilà. Si vous êtes 10, vous pouvez aussi, aucune restriction sur les configurations relationnelles. Super. Mais peut-être pour terminer autour de cet aspect pédagogique, on voit que le BDSM, en tout cas, fait de plus en plus parler de lui. Alors, soit, comme on l'a dit, par des choses assez horribles comme 50 nuances degrés. Plus récemment, donc, il y a un film belge qui est sorti, Kika, dont on a un peu parlé avant le podcast, que moi, j'ai trouvé assez chouette. Toi, tu me disais que c'était quand même une vision assez classique, entre guillemets, et un petit peu à l'ancienne du BDSM, en tout cas par rapport à ce que toi, tu pratiques. Quel regard tu portes justement sur ce... un peu ce gain de popularité mainstream par rapport au BDSM petit à petit, qui parfois est quand même assez fétichisant ou assez... mais en même temps, ça le sort un petit peu du vide. Quel regard toi tu poses là-dessus ? J'y avais pas pensé, mais je pense que c'est cool qu'on en parle de plus en plus. Évidemment, la manière dont on va en parler peut être soit justement complètement délétère, soit pas du tout. Mais en fait... J'ai pas, comme moi, dans vraiment ma norme, c'est la manière dont moi je pratique et c'est genre spam, c'est la fête, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui est très loin de ce qui est montré actuellement ou de ce qui existe dans l'imaginaire collectif, que j'en sais rien en fait. T'as pas vraiment l'impression que tes pratiques sont représentées aujourd'hui publiquement aussi quand même? Non, mais en fait, je fais mon truc dans mon coin. Je sais que ça touche des gens. La plupart des gens autour de moi sont dans ce même esprit. Et c'est ça qui compte. En fait, je vis dans une réalité où ma norme, c'est ce que je fais, en fait. Mmh. Et donc, voilà, moi, je suis contente de le faire. Et je suis contente, par contre, d'en parler plus et d'essayer de le montrer. Mais ça ne doit pas, en fait, empêcher d'autres esthétiques, ou ça doit pas, c'est pas ce que je fais n'est pas meilleur et ne doit pas prendre la place de ce que d'autres font dans un BDSM plus classique ou plus mainstream, sauf au niveau de la manière de consentir et de la discussion, etc. Ça, je pense que le fond, c'est important qu'on essaye de que ça soit plus mis en avant, le fond sexpositif, le fait qu'il faut discuter, le fait qu'il faut vêter les personnes avec qui on le fait, qu'il faut réfléchir aux personnes, à comment on gère les personnes problématiques. Ça, c'est ultra important. J'aimerais que ça soit plus vu, plus mis en avant dans toutes les communautés. Mmh. Mais l'esthétique en tant que telle, qu'elle soit très cuir, latex, etc., dans une esthétique qui, moi, ne me touche pas, ou que ça soit mon esthétique, les deux ont une raison d'être et d'exister, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Super. Pour terminer, si une personne veut commencer des pratiques BDSM, mais ne sait pas trop par où le prendre, à part évidemment venir aux ateliers que tu donnes, est-ce que tu aurais un conseil ? En fait, j'ai commencé justement par rapport à cet atelier, j'ai créé un beau PowerPoint, parce que voilà, moi j'ai une culture académique, alors le PowerPoint, et j'ai commencé à recenser en fait les groupes qui existent. Il y a un document aussi qui a été fait par une personne de la Licornerie, qui est un espace expo à Paris, et donc je pense que ces personnes peuvent me contacter, je peux leur donner en fait les ressources que j'ai. Je pense que c'est ça le mieux. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Avant de te laisser repartir, j'ai quelques petites questions rituelles que je pose à tous mes invités. Sans le BDSM, tu serais devenu quoi ? Tu serais devenu qui ? Ben, je pense que je serais normie. J'aurais peut-être essayé de me marier, d'avoir des enfants. Et j'aurais fait une crise de la quarantaine pour quand même dériver sur qui je suis maintenant, à mon avis. Donc, ce serait arrivé plus tard, quoi. Je pense, ouais. Et avec un peu plus de dégâts dans, ouais, sûrement. Dans ta vie à ce moment-là. Ouais. Très bien. Si tu avais tout l'argent du monde pour faire un show, tu ferais quoi ? Eh ben, Dance or Die et, et un spam bus. Wow. Ouais, voilà. Ça, c'est un de nos fantasmes avec spam, c'est d'avoir un bus rempli de tapis roses tout doux à l'intérieur. Voilà. Et je ferais Dance or Die, mais Dance or Die est en cours, hein, mais je le ferais plus rapidement, de manière très, très grandiose pour un zénith. Mmh. Et donc, quand tu parles du spam bus, c'est vraiment que les gens viennent pratiquer à l'intérieur. Ah non, c'est non. Nous, on a un spam bus pour faire notre tournée. Voilà, et voilà. Et c'est tout cosy à l'intérieur parce que vous aimez bien que ce soit tout cosy à l'intérieur. Très bien. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi ? Oh oui, oui, oui, oui. J'imagine. Et le dialogue Il y a beaucoup de haine-amour, hein, comme je pense beaucoup de monde. Je suis une personne... multi-traumatisée par des VSS et de l'inceste notamment. Donc, il y a eu un vrai apprentissage de comprendre ce que me dit mon corps, de lui donner du soin et de l'amour. Parfois, je ne lui donne pas toujours du soin et de l'amour dont il aurait besoin. Mais voilà, c'est en cours d'amélioration. Et est-ce que le BDSM a contribué à ça ? Le BDSM, oui, contribue largement à ça, à l'exploration de mes limites, de mes envies et à l'exploration de l'intensité. Trop bien. Plutôt freaks ou plutôt merveille, Jean de Marbre ? Moi, je pense merveille avec une touche de freaks. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être merci venu pour toi. Ce premier épisode de la saison. C'était super de t'avoir. Ça fait très plaisir. Eh bien, pareil. On peut te suivre sur Instagram. Oui. Tu es en train de construire ton site internet. Oui, parce que, bon, Insta n'aime pas trop les artistes, les personnes queer, etc., etc. Et donc, j'ai décidé d'avoir un site internet pour pouvoir justement me décharger d'être constamment sur Insta et aussi d'être constamment lisse pour Instagram. Ah oui, voilà. Je vois bien de devoir t'éditer en permanence pour rentrer. Ouais. Oui, je comprends. Est-ce que tu as un horizon de sortie de site internet ou Normalement, cette année, hein, 2025, à mon avis, d'ici fin 2025, il sera opérationnel. Super, et ben, voilà. On le relayera avec plaisir sur le réseau de Freaks et Merveilles. Et puis bah, du coup, longue vie à toi. On peut aussi venir te rencontrer, notamment en s'inscrivant à tes cours, à la Brussels Arts & Pôle, même si à Paris. À Paris, tu donnes cours où? À La Cabane, qui est un espace tenu par Erato Banana, qui fait du shibari majoritairement, mais qui aime bien aussi inviter d'autres personnes autour d'autres pratiques BDSM. Super. Eh ben merci beaucoup d'être passé et puis à très vite. Merci. Voici qui clôture ce premier épisode de Freaks et Merveilles. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode où on se mettra à nu tout en douceur et en chanson puisque j'accueillerai Stella Mascaret pour parler burlesque et chanson. En attendant, il y a plein d'autres épisodes à découvrir sur vos plateformes podcastiques favorites. Si vous souhaitez être informé des actus des arts vivants queer sans passer par les réseaux sociaux, contactez-moi via mail freaksetmerveilles@protonmail.com et je vous inscrirai sur la newsletter Glitter Garage. Et promis, nous aussi, on travaille à un site internet pour cette belle initiative. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, enregistrée, montée et diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Elle est propulsée par Murmura SBL et diffusée un samedi sur 2 sur Radio Panique. Merci à Elou. Et n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène.